A mí me falta una cosa. C'est 6m40. Des fois j'aime bien faire quoi? Thank you. avant d'arriver à Metz. Metz, c'est à 30 minutes de Thionville et nous, on est sur la route, donc on s'arrête à Thionville parce que c'est le même trajet là-bas. Ouais, j'y crois.